Psaume 53. Machile de David, donnée au maître chantre, pour le chanter sur ma halate. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominable leur perversité, il n'y a personne qui fasse bien. Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s'il y en a quelqu'un qui soit intelligent, et qui cherche Dieu. Ils se sont tous retirés en arrière, et se sont tous rendus odieux et il n'y a personne qui fasse bien, non pas même un seul. Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils point de connaissance, mangeant mon peuple, comme s'ils mangeaient du pain? Ils n'invoquent point Dieu. Ils seront extrêmement effrayés là où ils n'avaient point eu de peur, car Dieu a dispersé les os de celui qui se campe contre toi. Tu les as rendus confus, parce que Dieu les a rendus méprisables. Oh, qui donnera de Sion les délivrances d'Israël? Quand Dieu aura ramené son peuple captif, Jacob s'égayera, Israël se réjouira.